Il est déjà bien tard, mais j'arrive pas à dormir. Le marchand de sable est en retard. Et moi j'ai des choses à vous dire. J'ai regardé dans le rétro, vu tout le chemin parcouru. J'ai dit pas que j'en ai fait trop, mais que l'heure de la fin est venue. Finir dans l'oubli, au fond c'est peut-être ma hantise. Mais faut fermer la parenthèse, oui c'est ce que tous les gens disent. À peine 4 ans dans le milieu, et je me sens déjà un doyen. Non pas que je me sens prétentieux, mais plutôt que je me sens plus bien. Le circuit de l'écriture, j'en ai fait 100 fois le tour. Après 120 000 ratures, ne t'attends pas à un retour. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter, est-ce que j'avais du talent? Allez, pas le temps de grand berger, j'ai le temps à mes talons. J'ai appris dans cette carrière et je parle en toute franchise que certains mettent des barrières quand d'autres s'acharnent à les franchir. Je suis cette goutte dans l'océan qui voulait créer une vague, mais qui va tomber dans l'oubli avant même d'avoir pris de l'âge. Je me rappelle de mes débuts sur une table du collège. Et ces rimes tombées du ciel, synonyme de décollage. L'époque du lycée, la naissance de ce groupe KSOS 53. Tous les quatre sur la même route. Premier album en 2008, au fond de moi première fierté. J'attendais vite de la suite, comme si je pouvais plus m'arrêter. Janvier 2009, premier CD en solo. Le deuxième 9 mois plus tard, j'ai décidé d'y aller mollo. Car j'ai vu que j'étais seul, isolé dans mon délire. Que quand les gens te soutiennent plus, il est grand temps de réfléchir. Entre temps il y a bien eu Irma Loco. C'est un litre, je ne remets rien en cause. Je suis pas venu là pour le titre. Je voulais de la reconnaissance de la part de mes connaissances. Mais au final il n'en fut rien, déception dans tous les sens. Donc ma plume m'a confié la dernière démission. Sans mettre un genou à terre, rédiger ma démission. Atteindre les sommets, mes plans ont fini à l'eau. Je voulais regagner le rivage, mais je navigue en radeau. Attention, je suis pas mort, je suis juste un peu chaos. Si je chasse naturel, il reviendra au galop. Ce soir j'ai pas de coup de barre, à la plage j'ai un coup de douce. Arrêter serait un coup dur, cet instrument m'a mis un coup de boule. C'est juste un coup de mou, un petit moment de faiblesse. L'impression d'avoir tout dit, l'impression d'être en régression. Ouais. Je vois plus mon auditoire, mais je continue à chanter, n'est-ce pas contradictoire? Au fond, je suis triste, mais je serai seul à l'être. Je resterai cet enfant que l'écriture a à l'aide. C'est pas un cri à l'aide, je sais très bien que ça ferait rien. Ce soir, j'ai envie de partir et de retourner d'où je viens. C'est sur ce coup d'inachevé que demain se lèvera la croisée d'autres chemins. Si Dieu veut, on se reverra.